go Harlem. La fièvre du samedi soir et la fièvre du jeudi soir. Disco Harlem. Alors je sais qu'elle va m'oublier pour aller d'autre part vers la loi. Je lui donne une semaine pour qu'elle me revienne. Et devant son miroir, elle est déjà heureuse. Elle va m'oublier. Elle va m'oublier. Elle m'oublie. Santa la maman, l'équipe qui saille. Loco la saco que me camo que me. La fièvre du jeudi soir et la fièvre du samedi soir. Santa Yanosi, alleluia, Otalanga na miso ya motito oyoteo, lela na boko na moto eko komante, yaka na yamba ya pana ya bando, Santa Berta, Santa Berta, alleluia. La fièvre du samedi soir et la fièvre du jeudi soir. Alors je sais qu'elle va m'oublier pour aller d'autre part vers la loi. Je lui donne une semaine pour qu'elle me revienne. Le pirata, Sogamba, la fièvre de la piscine, la fièvre du soir, la bata ABC. Santa Yalosi, alléluia, Kota la canami, soya motito, oyoteo. Elle arrive à Paris, elle voit ses parents et ses amis. Je lui donne ma semaine pour. La fièvre du samedi soir. Nos amis cocottes à